Les Odyssées de France Inter avec Pronote. Toute la vie scolaire en une seule appli. Pour les profs, les élèves et aussi leurs familles. C'est une salle sombre, derrière un immense rideau de velours. L'arrière-scène d'un théâtre. Une jeune femme, la peau noire, les lèvres rouges comme deux cerises, échauffe ses chevilles et ses poignets. Dans ses yeux, il y a tout. La lumière, la joie, la liberté, la folie, la force, la détermination. Tu es prête, Joséphine? C'est à toi dans une minute. Derrière le rideau, la salle est comble. Les spectateurs ont fait la queue pendant des heures. Ils sont fébriles, ils s'impatientent. Ils veulent la voir, elle, l'artiste, la danseuse, le phénomène. L'orchestre commence à jouer. Le public applaudit, il siffle. Oh là là, ils sont chauds bouillants ce soir. Le rideau se lève, plein feu sur Joséphine. Elle fait un pas, deux pas, elle remue ses hanches. Bonsoir tout le monde. Elle saute dans les airs. C'est un moment explosif, plein d'énergie, d'humour, de vitalité. Joséphine Baker, rien ne peut l'arrêter. Danseuse, actrice, espionne, femme libre et sacrément engagée, notre pays lui doit quelques fières chandelles. Et voici, youpi, son odyssée. Le 16 mai 1913, dans la ville de Saint-Louis, aux États-Unis, il fait une chaleur à crever. Dans la rue, la foule va et vient, elle se presse et... Oh là, là, là, là, là. Tu vois ces deux petits souliers taille 32 qui sautent, tournent, virevoltent. C'est Joséphine. La petite a 8 ans et déjà, tout le monde la regarde. Oh purée, c'est plus fort qu'elle. Elle sent comme un courant électrique parcourir son corps. Alors elle gigote, elle fait des grimaces, elle louche. Les passants autour d'elle sont pliés en deux. Soudain, l'horloge de la ville sonne. 4 heures! Je suis sacrément en retard, ça va faire mal! Joséphine saisit son sac de provisions et court aussi vite que l'éclair. Elle bouscule un passant ou deux. Elle saute au-dessus d'un étalage. Oh pardon! Elle manque de se prendre un vélo en pleine poire, mais pétard! Pardon, désolée! C'est largement préférable à la colère de Madame Kaiser. Joséphine! Madame Kaiser? Joséphine! Oh! Joséphine! Elle est atroce! Joséphine! Joséphine! La petite vit chez elle depuis que sa mère Joséphine lui a confié sa fille l'an dernier. Joséphine, écoute-moi. Ton beau-père vient de perdre sa place à la mine. On ne peut plus vous nourrir tous les 6. Tu vas habiter chez une dame blanche. Ne pleure pas, c'est une chance. Tu mangeras à ta faim. Et puis Madame Kaiser s'occupera de ton éducation. En échange, tu l'aideras un peu à tenir sa maison. L'aider un peu? Tu parles, Charles? Joséphine se tape tout le sale boulot. Le ménage, le linge, la vaisselle. En plus, la vieille peau la nourrit à peine et l'oblige à dormir à la cave. C'est pas confort, cette vieille paillasse. Dans la famille de Joséphine, on en bave depuis des siècles. Descendante d'esclaves, très vite, la petite a compris la leçon. Les Blancs, il vaut mieux les faire rire. À cette époque, aux États-Unis, c'est la ségrégation. Les lois, racistes et ignobles, rendent les Blancs tout puissants. Écoles, magasins, restaurants, tout un tas de lieux sont interdits aux Noirs. Et si ces derniers se révoltent, la police, sans pitié, les roue de coups. Parfois jusqu'à la mort. Mais revenons-en à la tornade Joséphine. Qui arrive enfin, tout essoufflée. Elle range les courses et se met illico presto à la vaisselle. Elle ouvre le robinet d'eau chaude, ensuite elle frotte. Une ombre, lentement, grandit dans son dos. C'est Madame Kaiser. De l'eau chaude? Oh, faut bien que c'est pas toi qui paye! Puis, elle plonge les deux mains de Joséphine dans l'eau bouillante. La petite hurle de douleur. Les années passent. Joséphine grandit et elle a du culot. À l'âge de 13 ans, elle pousse la porte d'un théâtre réservé aux Noirs et demande à parler au directeur. Monsieur Barton m'attend, j'ai rendez-vous. Joséphine bluffe et elle a diablement raison. Face au directeur, elle ne se dégonfle pas. Elle agite un orteil, puis la jambe, puis la hanche, puis la taille, les épaules, le cou, les bras. Sa façon de bouger est son style. Le directeur n'a jamais vu ça. Joséphine est engagée. Elle jouera Cupidon, le dieu de l'amour. Enfin un peu de douceur dans ce monde de brutes. Le lendemain, Joséphine est sur les planches. Enfin, oui, façon de parler. Suspendue à un fil, elle doit traverser la scène en volant avant de se poser délicatement sur le sol. Joséphine s'envole. Mais... Oh, qu'est-ce qui se passe? Au moment de redescendre, elle reste suspendue en l'air. Elle gicote dans tous les sens. Impossible de débloquer les poulies. Vite, on fait baisser le rideau. De rage, Joséphine éclate en sanglots. La salle, elle, est-il là? La jeune artiste se débrouille pour jouer dans de nouveaux spectacles. Le monde du théâtre, elle l'adore. Bonsoir, mesdames. Mon Dieu, que vous êtes belles. La troupe, c'est comme une deuxième famille. En plus, pour la première fois de sa vie, elle a des dollars dans la poche. Sur scène, la jeune femme casse la baraque. Ses mimiques bien à elle. Sa façon d'onduler son corps, de jeter ses jambes dans les airs. C'est inédit, c'est drôle, c'est éblouissant. Joséphine Baker, ma foi, c'est de la dynamite. La dynamite finit par se faire repérer. En 1925, elle est engagée avec une vingtaine d'autres artistes afro-américains pour jouer à Paris dans un nouveau spectacle musical qu'on appelle alors la revue Nègre. Sur le paquebot qui l'emporte, elle regarde la côte s'éloigner. Bye bye, pays réservé aux Blancs. Chez toi, on a peur d'être noir. Une nouvelle vie commence. Je vais ensorceler la terre entière. Joséphine tourne. Elle danse, elle rit, et son sourire est si lumineux que les matelots ont l'impression qu'un phare vient de s'allumer là, au beau milieu de l'océan. Oh purée, ça promet! Un événement bien parisien. Nouvelle revue au Folies Bergères. À Paris, c'est les années folles. Pour se remettre des blessures de la Première Guerre mondiale, les Parisiens font la fête comme des timbrés. Ils se régalent de jazz, de théâtre. Un vent de liberté souffle sur la ville. Les couples s'embrassent dans la rue, ce qui est interdit aux États-Unis. Joséphine tombe follement amoureuse. Hihi, mais de Paris, pardi. Au théâtre des Champs-Élysées, les artistes répètent d'arrache-pied. Quelqu'un suggère à Joséphine de danser seins nus. Choquée, elle refuse. Non mais je suis pudique, moi! Et puis, elle réfléchit. Après tout, tout le monde a des fesses, une poitrine. Au moins les miennes seront célèbres. Le soir de la première, elle triomphe! Ses cheveux courts, son humour et ses mouvements totalement débridés sont la sensation du moment. Joséphine Baker libère la danse et le corps des femmes. Elle envoûte, surprend, séduit, fascine. Picasso, Cocteau, Picabia, Colette, tous les grands artistes se pressent pour venir la voir. Hélas, à Paris, il y a aussi des racistes. Certains spectateurs la huent. Une femme noire qui danse seins nus. Et pourquoi pas un singe qui mange des bananes? Joséphine ne se laisse pas démonter. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. L'artiste se présente sur scène, vêtue d'une ceinture composée de 16 bananes. Son nouveau numéro est du tonnerre. Elle fait la une de tous les journaux. Joséphine a désormais ses propres spectacles qu'elle joue dans les plus grands théâtres. Le public l'adore. Elle est bien plus qu'une star. Elle est devenue une idole. Dime quando tu verras. Alors, elle s'habille de tenues extravagantes, pleines de plumes et de froufrou. Chiquita, son guépard, Zozo, son lézard, et Kiki, son serpent, ne sont jamais loin d'elle. Tout comme Pépito, son troisième mari. Il s'occupe de sa carrière et lui organise une tournée internationale. Nous sommes en 1929, Joséphine fait un carton, mais pas tout à fait partout. En Autriche et en Allemagne, où les nazis se rapprochent dangereusement du pouvoir, le public montre l'écran. Je vais vous chanter une chanson qui a été créée par la chanteuse des plus grandes chanteuses. Qu'importe, Joséphine poursuit son chemin. De retour à Paris, elle se réinvente. Elle joue au cinéma et elle chante. J'ai de l'amour, mon pays est Paris. En 1939, la France entre en guerre contre l'Allemagne nazie. Très vite, c'est l'Europe entière qui s'embrase. Joséphine ne compte pas rester les bras croisés. Mais que faire ? Un soir, elle reçoit la visite d'un certain Monsieur Fox. Il travaille pour les services de renseignement français. La diva accepterait-elle de se servir de sa célébrité pour l'aider à faire passer des messages secrets? Of course! Répond-elle sans hésiter. Les Français m'ont tout donné, en particulier leur cœur. Je suis prête à leur offrir ma vie. Joséphine, yahoo! Entre dans la résistance. Hello? La diva connaît du beau monde. Bonjour. Elle a ses entrées, partout. Réception, gala, dîner, elle va et vient. Elle ouvre grand ses oreilles. Hello. Et transporte des messages secrets, dissimulés dans ses partitions, ou bien ses soutiens-gorge. Grâce à elle, la résistance obtient des informations extrêmement importantes. Sur le front, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Les soldats allemands mettent la pâtée aux troupes françaises. Ils arrivent à conquérir le nord. Bientôt, ils menacent d'envahir le reste du pays. Tenez le flanc droit ! En 1941, l'espionne se réfugie en Afrique du Nord. Très discrètement, évidemment. Enfin, presque. Elle emporte avec elle 28 mâles et tous ses animaux. Lors d'un voyage au Maroc, elle tombe gravement malade et passe 19 mois à l'hôpital. Pas question pour autant d'arrêter ses activités. Pleine de ressources, elle transforme sa chambre d'hôpital en bureau de renseignement pour la résistance. Aidée par Monsieur Fox, elle accueille des officiers américains et anglais, les informations, youpi, continuent de circuler. Oh, Miss Baker, vous êtes époustouflante. Remise sur pied, l'artiste veut continuer à aider. Il faut remonter le moral des troupes. Au Maroc, en Algérie, en Syrie, en Égypte, la voici qui parcourt des kilomètres et parfois le désert pour chanter devant les soldats. Mission accomplie. Son incroyable énergie réchauffe tout leur petit cœur. Durant l'été 1943, à Alger, une tête dépasse celle de tous les autres spectateurs. Il y a de la lumière. C'est celle du général de Gaulle, le chef de la France libre. Nos enfants, Après le spectacle, il lui remet la croix de Lorraine, une médaille extrêmement importante pour les résistants. Vive la République ! Vive la France ! Joséphine a les larmes aux yeux. En 1945, enfin, la guerre se termine, la France est victorieuse. 2 ans plus tard, l'artiste s'installe avec son nouveau mari, Joe Bouillon, dans le sud-ouest de la France, au château des Milandes. Ouh, oh, oh, la bâtisse n'est pas en très bon état. Après tout, on finira tous en ruine. Au moins, celles-ci sont belles. Sa nouvelle demeure, elle veut en faire un endroit spécial, une sorte de capitale de la fraternité universelle. Les humains n'ont pas tous la même couleur, ni la même langue, mais ils ont le même cœur, le même sang, le même besoin d'amour. Joséphine, qui ne peut pas avoir d'enfant, adopte 12 orphelins venus des 4 coins du monde. Sa nouvelle famille, elle l'appelle... Ma tribu arc-en-ciel. 5 orphelins d'ici de là, qui s'ennuyaient seuls ici-bas. Et j'ai voulu qu'ils soient choyés dans un foyer. L'un d'eux est couleur de la nuit, le 2 autres sont de celle du jour, le 4e est couleur du sang, le dernier couleur du soleil. Mais tous les 5 sont mes enfants. Et mon cœur de maman les aime tous autant. L'infatigable Joséphine Baker poursuit son combat contre le racisme et les injustices. I have a dream. En 1963, vêtue de l'uniforme de l'armée française, elle est à Washington, aux États-Unis, I have a dream today. Aux côtés du docteur Martin Luther King, un pasteur qui milite pour l'égalité des droits entre les Noirs et les Blancs, lorsqu'il prononce son célèbre discours « I have a dream ». I have a dream. Femme libre, incroyable artiste, première star internationale noire, résistante de la première heure, la truculente, la pétillante, la surprenante Joséphine Baker a marqué notre histoire. Parce qu'elle est une immense dame, son corps repose aujourd'hui à Paris, au Panthéon, aux côtés des femmes et des hommes qui ont servi notre pays. Hello ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Après la fermeture, hello ? Une fois les lumières éteintes, avec Victor Hugo, bonjour. Marie Curie, Voltaire, Jean Moulin et Simone Veil, hello. À mon avis, oh oui ! Ça doit sacrément swinguer. Derrière cet épisode des Odyssées, il y a Fanny Leroy, Cécile Lafont, Benjamin Orgeret et moi, Laure Grand Besançon. Tu connais peut-être cette danse des années folles qu'on appelle le Charleston ? Eh bien, c'est Joséphine Baker qui l'a fait connaître en France. Sur 2 notes, sur 3 notes, sur 4 notes, et c'est tout.